écouté Marka Ousdamba plaire au-dessus de la montagne. Qui peut les consoler si ce n'est pas vous, Papa Mathias? Yoka Manzaka. Posta Coulère. Barbara Mazirel, la première dame de l'Imété. Gabet Okoni. Chili Lukaya Navigator. Perado prince son yebi, kenazali foti, naba ak na poza, na katia bolingo. Pedro Pembele, embie chati bien, oya yo chati ma, e comme yo mi mangai, ne chape meni ya kufa. Chaque Kolumba, oh yebi bien, bape saka jamais, e pembele son mosala ya punda. José Kambia na Nairobi, oh yebi bien, pleze lo mingo, na ne chapi ni, pasa pa ma pasa. Samsoya ye force, et ça la kina souki. Oya bless Domingo, et ça y est pas berado. Monde la souci, et kate la kinaï. Et si n'a dépassé Nzambe, à cause à vertige à ma confie, à ma pensée. Yannick Kayenga. Noke konyata nyata, pa min loge tiaki. Nazangi moye la tombola lo kolonga na landa. Yego sena luanda. Na sauve fina nato, na sauve ya bolingo. Awa kofina nga bolingo se ya preste sa munda. Honorable Bichu Bolenge. Nesha Pindi, Bless Domingo. Berado, preste sa munda. Yesula, London. I love you. Basta Padou Peti, Maître Asien, Jésus d'Electro. Las Koni Mbunza. Mawala ma bonne santé, c'est moi santé médiocre. Nasika songo mama la mienne. C'est si le linakasi. Patricia Odia. Carlos Ekalo. Trésor Mwadi. Fais attention, papa si et basse et moi. Ingénieur Jacques Kikita. Oh, canini, pas condima, copessa. Fils un kelele. Bébé, un silope, dans ma boba lion, pour adopter. Chico Kazumba. Journée, consila, te va kotangi, sa pinzoli. Amour, n'a pas la qui. Sécurisé dans ma boba blesse. Ah, on livre un amboka souci. Coca, ma tessa, mon foyota. Sarah, tu m'as maman fraise. Maluma. Souci plus que vampire, confidé ma maquila. Grosse affaire lumière. Awa kobato batondi basoka mwande. Nge bolingwe sokata motema he. Yo te ferre mama berado suisse. Yonde aussi mbi souffle na mouna nga inesha. Meka kouchata mouna nga ina bombo. Shafi Japan, dem se chay. Na préféré la vivre bolingwa mwe salata ya mazita. Ke koufa bakuna ngoli bela. Gile maindo, Balbin Mawila, Andrazil Ombola. Na préféré na vivre bolingo ya mo ata ya mazita. Kena kufa bakunda libela. Noela Lualaba. Kasa la belo mukendi nangayo. Yoyo la Camerounaise, mama ya bana. Mawala ma bon sante, se mo sante me doke. Jacques Lomingo. Vitamina love nangeza liberado. Amede Makenzi. Sokyo songi na ko vivre bonheur. Ese mo nanga eko sala piske tiko. Chico Pindi. Junior Anta, pardon, Odelama. Mama ni na kondi makote, mona na libo karatuta. Noemi Pindi. Les lombi bobo, mi boni na motama. Noela Pindi. Nata la tebe fonte, ya leta kushma. Noa Pindi. Prince, deza munda nesha Pindi. Stéphane Bolipombo, Jimmy Moutetela. Amis et Prince Gaz na Gaz. Maître Blaise Mboma. Elbito Coiffure Saint-Denis, Martens Massinda, et Lamba de Lamba. Berando Prince, papa na ware. Ne chome mi bolingo na sonne ou. Kole sirete ya souci toujours vert. Anga kojile par souci tena moni liwana. DJ Sims Pindi. O DJ Bambe, consta colère na zami, sois intensive. Croissance à ma douleur, na monte manga. Sonita Ikenge, na bolingo. Papi Masita Masito, na chako mi somer, ya bilengi. Papi Nkumu, ya kanasi se bombo nanga, tambala ya suka mamae. Bando swali ngaye, Gisele Bongese. Sala si bien ye, tamatela satan. Alphonse Mavuela Libero Ancheri Nanya Belia Chico Mabele Mam Yakana Yambela Yata Wawa Bebe Sheri Yakatosa Kana Waji Shawa Azaka Kayanga Ichu Manzenza Ojo Dola Mona Ma Bon Santé C'est Moi Santé Médiocre Vitamina Lor Nangesa Limesha Bimi Sokyo Sokyo Nako Vivre Bonheur Ese Mona Ma Eko Sala Biske Vikwa Chaco Tongue Yeah, Baba Angelo, Babo de la Kayawe, Nelly Colo Omi Sanga ta Faya, Kisaka de Glise, Monte Manayo, Iriti Escame Et mes beaux bébés Tana Pablo ma foutre, Ambila da Colo, la peinture Ani Dembo Tolerize mon ami loco, Mba de Babo Lia Gagné Giselle Sinda Mba Jalwe, Manalite Monopo Polele, Yekoze na Maloba Bolingo na Bele la Janis Kram Blaise Lomingo Yanga Matonge Suka Senenzila ye Vache comme ya ya jipe Mingyena lombo Mon ama bon santé C'est moi santé médiocre Arnold Matiki Mingyena lombo Nangesa l'inesha bimi Sokyo songi nako vivre mon Yura Kabumbaye Ese mon ama eko sala pliske vivre Christian Massamba Yabas pensier de la guerre et des trois sœurs Maître Hugues Matani, l'avocat de Barabbas Honorable Pichu Bolenge Mon ama bon santé c'est moi santé médiocre Vitamina l'or, nangesa, l'iblesse, l'onimo Jimmy Bofo, Sassa, Tangelo